accompagner ma danse. Mettez-vous là, don José. Je commence. La, la, la, la, la. Il me semble là-là. Oui, ce sont nos clairons qui sonnent la retraite. Ne les entends-tu pas? C'est la retraite, il faut que moi je rentre au quartier pour l'appel. Au quartier pour l'appel. Oh, j'étais vraiment trop belle. Je me mettais en quatre et je faisais des frais. Oui, je faisais des frais pour m'amuser, monsieur. Je chantais, je dansais, je crois Dieu me pardonne. Et qu'à plus, je l'aimais. Taratata, c'est le clairon qui sonne. Taratata, il part, il est parti. Va-t'en donc, canari, tiens, prends ton chapeau, ton sabre, ta fumée. Et va-t'en, mon garçon, va-t'en. Car jamais, jamais femme, jamais femme avant toi. Non, non, jamais, jamais femme avant toi. Aussi profondément n'avait troublé mon âme. Taratata, mon Dieu, c'est la retraite. Taratata, je vais être en retard. Oh mon Dieu, c'est la retraite. Je vais être en retard. Gardez toujours. pendant des heures entières, sur mes yeux fermant mes paupières, de cette odeur je m'animais. Et dans la nuit, je te voyais, je me prenais à te maudire, à te détester, à me dire: pourquoi faut-il que le destin l'émise là sur mon chemin? Puis je m'accusais de blasphème et je le sentais en mon âme, je le sentais que seul désir, que seul désir, que seul espoir. Eh bien, pars. Non, Carmen se tord rire. Non, je ne veux plus. Écoute, pas. Carmen. Adieu, mes adieux, pour aujourd'hui. Eh bien, soit adieu, adieu pour jamais. Va-t'en. Carmen, adieu. Qui vient là? Tais-toi, tais-toi. J'ouvre moi-même et j'entre. Ma fille la peine, le choix n'est pas heureux, c'est se mésallier. Quand on a l'officier, allons des campes. Non, c'est fait, tu partiras. Je ne partirai pas. Oh, il va pleuvoir des coups. Oh, diable jaloux. À moi, à moi. Bel officier, l'amour vous joue en ce moment un assez vilain doux. Vous arrivez fort mal, vous arrivez fort mal. Hélas, et nous sommes forcés, ne voulant être dénoncés, de vous garder au moins pendant une heure. Mon cher monsieur, mon cher monsieur, mon cher monsieur, mon cher monsieur, nous allons, s'il vous plaît, quitter cette demeure. Vous reviendrez avec nous, vous reviendrez avec nous, vous reviendrez avec nous, vous reviendrez avec nous. C'est une promenade. Consentez-vous, consentez-vous, répondez camarades. Certainement, d'autant plus que votre argument est un de ceux auxquels on ne résiste guère. Car vous, plus tard, la guerre, c'est la guerre. En attendant, mon officier, passez devant sans vous faire briller. Passez devant sans vous faire briller. Ils le font bien. Oh, le monde n'est pas galant. Mais qu'importe, vas-tu différent. Quand tu verras comme c'est une vie différente pour bénir l'univers et pour le voir sans volonté. Les yeux sont enivrants. Thank you. Écoute, écoute, la formule de la balle là-bas.